всех унизи. Voilà petit. Bonsoir en affaire ça dans sa banda. Cousé, quand tu dois comment? Mi kunya manu trace di dame. Petit, pas nous de coupon. Bonsoir en affaire ça dans sa banda. Cousé, quand tu dois comment? Mi kunya manu trace di dame. Petit, pas nous de coupon. Pas nous de coupon. Pas nous de coupon. Hoje eu uso sábado, mochintada. É papila! Nada mais!